Enseignement par le vénérable Sayadaw Upandita Bhivamsa, retraite de méditation Vipassana, mai 2001. Étant donné que vous êtes né dans le plan humain, étant donné que vous êtes entré en contact avec l'enseignement du Bouddha, il est important et nécessaire de pratiquer cet enseignement sous ces trois aspects, moralité sila, concentration samadhi et panya sagesse. Il faudra également que vous meniez ces trois entraînements à leur accomplissement. Le premier de ces trois entraînements, c'est sila sika, l'entraînement à la moralité. Pour les moines, la moralité, c'est essentiellement patimokkha samvara sila, le respect des règles de moralité. Patimokkha samvara sila est un ensemble de règles qui demande de s'abstenir de certaines actions et de certaines paroles. Le moine qui observe Patimokkha Samvara Sila acquiert un comportement harmonieux tant du point de vue du corps que du point de vue de la parole. C'est de cette façon qu'il va établir Sila, la moralité. Pour les laïcs, qu'ils soient hommes ou femmes, ils doivent s'efforcer de respecter les cinq préceptes moraux de base. Ceci suffit. Ces cinq préceptes consistent à s'abstenir de prendre la vie, s'abstenir de prendre ce qui n'a pas été donné, s'abstenir d'une conduite sexuelle illégitime, s'abstenir de la parole incorrecte, et enfin s'abstenir de drogue ou d'intoxicants. En s'efforçant de respecter ces cinq préceptes moraux de base, le laïc acquiert progressivement un comportement physique et vocal harmonieux. Ses gestes et ses paroles sont agréables et nobles. C'est en respectant les cinq préceptes moraux que le laïc établit sila, la moralité, ce qui est la base pour l'entraînement suivant, samadhi, la concentration. Mais si le méditant laïc désire prendre huit préceptes, ceux que l'on appelle ajiva tamaka sila, c'est encore mieux. Dans ce cas, les deux premiers préceptes sont les mêmes que dans la liste des cinq préceptes. Le troisième, Kamesu Michachara, se transforme en Abrahmacharya, ce qui veut dire s'abstenir de toute forme d'activité sexuelle. Le quatrième précepte, qui demande de s'abstenir de la parole incorrecte, est remplacé par les quatre formes d'inconduite verbale, à savoir le mensonge, la médisance ou la calomnie, les paroles dures et vulgaires, et enfin les paroles inutiles, en pali, musavada, pisuna vacha, farusa vacha, et Sampa Palapa. Le dernier de ces huit préceptes, c'est Samma Ajiva, ce qui veut dire les moyens d'existence corrects. C'est ce dernier précepte qui a donné son nom à cette liste des huit préceptes alternatifs, Ajiva Tamaka Sila. Le méditant laïc, homme ou femme, qui est établi dans la pratique des 8 préceptes alternatifs devient harmonieux au niveau du comportement physique et au niveau du comportement verbal. Ses gestes et ses paroles sont nobles et appréciés. S'engager à observer les 8 préceptes alternatifs vaut mieux que de se contenter des 5 préceptes de base. Ajiva, Tamaka, Sila a ceci de particulier que le 3e précepte de la liste des 5 préceptes, Kamesu Michachara, est remplacé par Abrahmacharya. Kamesu Michachara demande de s'abstenir de toute activité sexuelle illégitime. Ce qui veut dire qu'on est autorisé à avoir des relations sexuelles avec son conjoint. Le précepte de Abrahmacharya va plus loin et bien sûr c'est mieux. Il s'agit de s'abstenir de toute activité sexuelle, même avec son conjoint. De nos jours, il y a des méditants qui ont choisi d'observer ces 8 préceptes alternatifs, Ajiva, Tamaka, Sila. Il y a une autre façon de pratiquer 8 préceptes, et c'est en général celle que l'on recommande dans un centre de méditation comme celui-ci, où il y a des méditants en permanence. Ces 8 préceptes sont les mêmes que ceux de la liste des 5 préceptes, sauf que Kamesu Michachara est remplacé par Abrahmacharya, ce qui veut dire s'abstenir de toute activité sexuelle. Et à la liste des 5 préceptes, on ajoute 3 préceptes supplémentaires. S'abstenir de prendre de la nourriture solide après midi et jusqu'à l'aube le jour suivant. Ceci inclut des boissons comme le lait, le café, le thé, le chocolat. En pali, ce précepte se dit Vikala Bhojana. Le 7e précepte consiste à s'abstenir de divertissements comme danser, chanter, se parer de bijoux ou de fleurs, se parfumer, assister à des spectacles. Et le 8e précepte demande de s'abstenir de l'usage immodéré de lits ou de fauteuils luxueux, Uchasayana, Mahasayana. Ces 3 derniers préceptes sont donc ajoutés à la liste des 5 préceptes de base, dont le 3e, Kamesu Michachara, est remplacé par Abrahmacharya. Au total, nous avons donc 8 préceptes. Il faudra les observer sans les enfreindre. Si nous réussissons à les maintenir très purs, notre comportement physique et verbal va devenir cultivé. Il sera plus apprécié et tout ceci va devenir le fondement pour notre pratique. Pour les laïcs, la forme la plus élevée de Sila consiste à observer 10 préceptes. Dans les temps anciens, il était courant d'observer 10 préceptes lorsque l'on participait à une retraite de méditation. Les règles sont les mêmes que dans la série des 8 préceptes, sauf que le 7e est divisé en 2. D'une part, s'abstenir de divertissements comme écouter la musique, danser, chanter, assister à des spectacles. Et d'autre part, s'abstenir d'embellir le corps par des parfums ou par des fleurs. Ceci nous donne jusqu'à présent 9 préceptes. Le dixième précepte demande de s'abstenir de manipuler l'argent, l'or ou les pièces de monnaie. Le méditant s'engage à s'abstenir de manipuler ces choses pour une période de temps limitée. En pali, on dit Jata Rupa Patigaha Na. Il est très recommandé en retraite d'observer Abrahmacharya, ce qui veut dire s'abstenir de toute activité sexuelle. En pali, les activités sexuelles se disent mituna, et en retraite, il est bon de s'en abstenir. Ce précepte implique que l'on va s'abstenir de prendre un repas le soir. Manger le soir excite l'appétit sexuel. S'abstenir du repas du soir offre en outre un autre avantage, celui de gagner du temps pour la pratique. Il y a également un rapprochement à faire avec le précepte qui demande de s'abstenir de divertissements comme écouter la musique, danser, chanter, aller au spectacle, se parer de bijoux ou de fleurs, car toutes ces activités ont pour conséquence, bien sûr, d'éveiller le désir sensuel. Dans une retraite, on recherche précisément l'inverse. Pour ce qui est du dernier précepte, il est évident que le fait de manipuler l'argent, l'or ou les pièces de monnaie est une occasion de s'offrir l'un ou l'autre des cinq plaisirs sensuels, appelés en pali kamaguna. En retraite, on s'efforce de diminuer kamaguna et on s'abstient donc de manipuler l'or, l'argent ou les pièces de monnaie. Il faudra donc que le méditant choisisse parmi ses nombreuses possibilités celle qui lui convient le mieux. Il devra s'engager à maintenir ses préceptes purs et à faire en sorte qu'ils ne dessèchent pas. Ses gestes et ses paroles vont ainsi devenir nobles et cultivés. Il faut cependant savoir qu'observer les préceptes moraux est insuffisant si on veut changer l'esprit. Sila ne peut pas influencer l'esprit, mais elle est indispensable comme fondement pour la pratique de l'entraînement suivant, c'est-à-dire samadhi, la concentration. On pourrait comparer Sila à la branche d'un arbre fruitier. Si cette branche est coupée, elle ne portera pas de fruits. Si elle se dessèche, elle ne portera pas non plus de fruits. Pour qu'il y ait des fruits, il faut que la branche soit intacte et qu'elle ne dessèche pas. C'est la même chose pour la moralité. Pour cueillir les fruits de la concentration samadhi et de la sagesse panya, il faut d'une part que les préceptes moraux aient été maintenus intacts et d'autre part qu'on ne les ait pas laissés se dessécher. On pourrait également comparer Sila, la moralité, au corps qui doit être nourri. C'est par la bouche qu'on introduit la nourriture. Sans bouche, il est impossible d'introduire des aliments dans le corps. Si d'autre part la bouche est trop étroite, ce sera également impossible ou tout au moins difficile. Si la bouche est blessée, il y aura également des problèmes pour nourrir le corps. Pour alimenter le corps et donc lui permettre de se renforcer, il est indispensable qu'il y ait d'une part une bouche, que cette bouche ne soit pas trop étroite et enfin qu'elle ne soit pas blessée. La bouche de Sila également doit tout d'abord exister, ensuite ne pas être trop étroite et exempte de blessures pour que le corps et l'esprit puissent être nourris. Ce n'est que lorsque le corps et l'esprit auront été alimentés de Sila que les fruits de Samadhi et de Panya, concentration et sagesse, pourront mûrir. En observant les préceptes moraux de façon très stricte, en ne permettant pas qu'ils se dessèchent, on se libère des impuretés de transgression, vitikama kilesa, les impuretés les plus grossières. Mais il y a encore les impuretés de type obsessionnel, les pariyutana kilesa, celles qui se manifestent dans l'esprit uniquement. Sila ne permet pas de se libérer de ce type d'impureté. À ce stade, le comportement mental n'est donc pas encore devenu harmonieux. Et il y a enfin les anusaya kilesa, les impuretés latentes, celles qui sont toujours susceptibles de se manifester dans l'esprit lorsque les conditions sont présentes. Pour purifier l'esprit de ces impuretés mentales, nous devrons pratiquer les niveaux supérieurs de l'entraînement, c'est-à-dire Satipatthana Bhavana, qui va développer l'esprit et nous permettre d'atteindre la connaissance intuitive. Cette pratique va nous amener à réaliser tout d'abord l'esprit et la matière, Nama Rupa Paricheda Jnana. Elle nous fera ensuite réaliser les causes et les effets, et encore d'autres connaissances vipassana. Si nous persévérons dans la pratique, nous expérimenterons finalement la conscience du chemin. Nous aurons alors la certitude que certaines impuretés auront définitivement disparu de nos esprits. C'est ainsi que le comportement mental devient harmonieux. La méthode pour arriver à purifier l'esprit et à l'ennoblir a été expliquée ce matin. Il est donc inutile de donner des informations supplémentaires. Pour ce qui est des préceptes, les méditants qui sont venus ici ne doivent pas se contenter de la première série, Panchasila, les cinq préceptes, car elle est insuffisante. La série des huit préceptes alternatifs n'inclut pas l'abstention du repas du soir. Or, prendre un repas le soir, c'est encourager le désir sensuel. De plus, cela prend du temps et c'est inutile. Cette série de huit préceptes alternatifs n'est donc pas non plus recommandée. Pour ce qui est des dix préceptes, certains méditants seront probablement amenés à devoir manipuler l'argent, l'or ou les pièces de monnaie. Cette série de dix préceptes n'est donc pas appropriée. La meilleure formule, c'est celle des huit préceptes. C'est un compromis entre les cinq et les dix préceptes. Si vous êtes tous d'accord, il est temps maintenant de prendre formellement l'engagement de respecter ces huit préceptes. Avant de prendre les préceptes, les méditants sont invités à rendre hommage au Bouddha et à prendre refuge dans les trois joyaux, le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Les non-bouddhistes ne doivent pas nécessairement prendre refuge dans le Bouddha, ils peuvent se contenter de prendre les préceptes moraux. Ceux parmi vous qui sont d'accord de prendre les préceptes et les refuges sont invités à lever la main. comme vous êtes tous prêts à prendre ces refuges et ces préceptes, le Vénérable Sayado va vous les donner. Il est donc clair que c'est en toute liberté que vous prenez ces préceptes et ces refuges. Le Vénérable Sayado espère également qu'après les avoir pris, vous réussirez à maintenir ces préceptes purs sans les enfreindre ni les laisser se dessécher. Lorsqu'on rompt les préceptes, il devient impossible d'en cueillir les fruits, que ce soit samadhi ou panya, et lorsqu'on les laisse se dessécher, la concentration et la sagesse acquises précédemment vont s'affaiblir. Elles ne fleuriront pas. Veuillez, s'il vous plaît, joindre les mains devant la poitrine. C'est la posture Anjali. Le Vénérable Sayado ne vous force pas à le faire, mais c'est une façon très traditionnelle de procéder lorsqu'on s'apprête à faire la demande formelle pour la méthode de développement de l'esprit. La posture la plus appropriée lorsque vous prenez les préceptes consiste à s'asseoir, jambes dirigées vers l'arrière et non pas dans la posture du lotus ou du demi-lotus que vous avez l'habitude de prendre pour la méditation. Le Vénérable Sayado va parler en premier et vous répéterez après lui. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham saranam gacchami. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi Buddham saranam gacchami. Dutiyampi Dhammam saranam gacchami. Dutiyampi Sangham saranam gacchami. Tatiyampi Buddham saranam gacchami. Tatiyampi Dhammam saranam gacchami. Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Amabhante. Panatipata viramani sita batam samadhiyami. Panatipata viramani sita batam samadhiyami. Inadana viramani sita batam samadhiyami. Inadana viramani sita batam samadhiyami. Je m'engage à m'abstenir de prendre ce qui n'a pas été donné. Abrahmacharya viramani sita batam samadhiyami. Nisavada viramani sika badam samadhiyami. Nisavada viramani sika badam samadhiyami. Sura Miraya Macha Pamada Chana Viramani Sikha Badam Samadhi Yami Sura Miraya Macha Vikala bhojana viramani sikha badam samadhiyami Vikala bhojana viramani sikha badam samadhiyami Je m'engage à m'abstenir de nourriture solide après nous. Madhya Gita Vadita Usiladasana Mala Gandha Vilipana Dharana Madana Vibhusana Dhana Viramani Sikha Badam Samadhiyami Madhya Gita Vadita Usiladasana Mala Gandha Vilipana Dharana Madana Vibhusana Je m'engage à m'abstenir de me divertir par la danse, en chantant, en écoutant la musique, en regardant des spectacles, en utilisant des parfums, en m'embellissant d'une façon ou d'une autre. Pukya Sayana, Mahasayana, Viramani Sikha Badam. Samadhi Yami Udasayana Mahasayana Viramani Sikha Padam Samadhi Yami Je m'engage à m'abstenir de l'usage immobilisé de vie et de côté. Puissiez-vous tous accomplir parfaitement les trois enseignements de Sila, de Samadhi et de Panya. Puissiez-vous ainsi vous libérer des différentes formes d'impureté, puissiez-vous devenir harmonieux et ennoblir vos esprits.